Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son messager, ainsi que sur ses compagnons et suiveurs, jusqu'au jour de la rétribution. Dans ce document, nous mettons les fatwas de trois grands savants, à savoir les mashayikh Salih Fawzan, Ubayd al-Jabiri et Ahmed al-Najmi, mettant en garde contre les cassettes de Tariq Sweden. Mais avant de passer au fatwa, nous soulignons d'abord que cet homme avait dit des choses en contradiction totale avec l'islam, ce qui dénote son égarement et son ignorance d'une part, et qui avive des soupçons autour de sa personne, ses projets et ses finalités de l'autre. Il appelle à l'idéologie de la démocratie. Il défend la liberté de croyance. Il appelle au rapprochement entre sunnites et rafidites, c'est-à-dire entre l'islam et le kofr. Il s'implique dans le sujet épineux de la discorde entre les compagnons, alors qu'il n'a aucune base en science légiférée. Il fait partie de la mouvance de Al-Ikhwan al-Muslimoun, parti égaré qui cherche par tout moyen à prendre le pouvoir. Et il a beaucoup d'autres égarements qui furent relevés et qualifiés pour tels de la part des savants et des mashayikhs de la Sunna. Avant que d'écouter les fatawas des trois mashayikhs, écoutons l'un de ses propos qui souligne l'ampleur de son égarement et de son éloignement de la da'wa correcte. C'est un propos de kofr où il défend ce qu'il appelle la liberté d'expression, qui peut aller, selon lui, jusqu'à s'opposer à l'islam, à Allah et à son messager, iyadhan billah. Et le verset qui suivra la parole de Sweden est clair quant à la mécréance de celui qui plaisante de questions relatives à Allah, à ses versets ou à son messager. Que dire alors de quelqu'un qui avance cela sérieusement? Plus encore, que dire de celui qui appelle à ces choses? Allah dit dans la sourate de At-Tawba: Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. In yu'fa 'an ta'ifatin minkum tu'addab ta'ifatun bi annahum kanu mujrimin. Traduction du sens. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous châtierons une autre pour avoir été des criminels. Sourate At-Tawba, le repentir, verset 65-66. الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله. العفو، أليس هذا في القرآن الكريم؟ ألم يتكلم المنافقون بكلام سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا في القرآن الكريم؟ هذا موجود، هذا موجود. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: في الأزمان الأخيرة انتشرت أشرطة أحد الدكاترة في الأزمان الأخيرة انتشرت أشرطة أحد الدكاترة في ذكر فتنة الصحابة وما حصل بينهم. في ذكر إيش؟ في ذكر فتنة الصحابة. فتنة؟ أي نعم. أي. فتنة الصحابة وما حصل بينهم، وانتشر لبس بين العامة، والسؤال ما حكم الاستماع إليها وبيعها وتداولها وتسجيلها؟ اسمها على هذا الذي نشرها، الذي نشرها على العوام وعلى الناس يتحمل إثمها، ولا يجوز لك أنك تشتريها ولا أن تروجها، لأنها تبعث على سوء الظن من العوام وعلى الحقد على بعضهم، تخطئ بعضهم. فالحقيقة أن هذا مجرم، اللي دخل في هذا ونشره أنه مجرم ويتحمل إثمه. نعم. La première fatwa est de Cheikh Fawzan Hafidhahullah. La question: qu'Allah fasse du bien à votre éminence. Ces derniers temps, des cassettes d'un certain docteur ont été diffusées, traitant de la discorde entre les compagnons et ce qui s'était passé entre eux. Et il en est résulté une confusion chez le commun des gens. Et la question est: quel est le jugement sur le fait de les écouter, de les vendre, de les propager et de les enregistrer? La réponse de Cheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan Hafidhahullah. Leur péché incombe à son auteur, celui qui les avait diffusés auprès du public. Il assume leur péché et il t'est illicite de les propager ou de les diffuser, car elles portent à penser du mal à l'égard de certains compagnons, à les prendre en rancune et à juger qu'ils étaient fautifs. En vérité, cet homme est un criminel. Celui qui s'était ingéré dans ce genre de sujet et l'avait diffusé est coupable, et il assume son péché. Fin de la fatwa du Cheikh Salih Fawzan Hafidhahullah. Maintenant, passons à la fatwa du Cheikh Ubayd al-Jabiri. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ya Cheikh, j'a'na fi baladina da'iya ismu Tariq Swedan, fahal tunsahna? A'udhu billah minhu min al-shaytan. Allah basta'al. Ya Cheikh, hada a'ada ma hu da'iya, hada faylasuf la, wa takhassusu laysa bi shar'i. نعم. بل لإخوانك مني السلام وأن لا يجلسوا إلي. بارك الله فيك، أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتنا من أجله. جزاك الله كل خير. هذا من أكبر الدعاة. نعم. للتقريب بين الرافضة والسنة. بارك الله فيك شيخ، الله يحفظك. وبل إخوانك مني السلام. نعم، السلام عليك. بها في المحفل قول يسلم عليكم سيد الجابر، يقول لا تجلسوا يا هذا الرجل. بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم. La seconde fatwa est de Cheikh Ubayd al-Jabiri. L'appelons. Assalamu alaykum, Cheikh Ubayd. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. L'appelons. Ô Cheikh, il nous est parvenu dans notre pays un prédicateur qui s'appelle Tariq Swedan. Est-ce que vous nous conseillez? Cheikh Ubayd l'interrompant. A'udhu billah, je demande refuge auprès d'Allah contre cet homme et contre Satan. L'appelons. Qu'Allah nous assiste. Ô Cheikh. Cheikh Ubayd encore. Ceci n'est pas un prédicateur, c'est un philosophe. Note du traducteur. Nous précisons que le terme philosophe est pour le cheikh un terme très péjoratif, qui serait synonyme de fou, comme cela s'était avéré lorsque le cheikh Hafidhahullah s'était rétracté de son tekfir d'un certain Amr Khalid. Le cheikh expliqua alors qu'il abroge son jugement sur Amr Khalid, étant donné que celui-ci est un philosophe, c'est-à-dire un fou, et ceci est un interdit de déclarer quelqu'un mécréant, on ne déclare pas kafir quiconque est fou en réalité. Cette précision sur le terme philosophe s'imposait, car certains peuvent l'interpréter à contresens, puisque de nos jours, la philosophie reçoit une valorisation dans beaucoup de programmes et chez beaucoup de gens, alors qu'elle n'est qu'égarement des raisons et des menses. Fin de l'annonce du traducteur. Donc le cheikh Hafidhahullah disait: ceci n'est pas un prédicateur, c'est un philosophe. Et sa spécialité n'est pas la science légiférée. Fais passer mes salutations à tes frères et qu'ils ne s'assoient pas pour écouter cet homme. L'appelons. Barakallahu fik. Qu'Allah vous accorde la bénédiction. Je prends Allah comme témoin que je vous aime pour lui, ô Cheikh. Cheikh Ubayd, qu'Allah vous aime comme vous m'avez aimé pour lui. L'appelons. Qu'Allah vous récompense par le bien. Cheikh Ubaid, celui-ci est parmi les plus actifs dans l'appel au rapprochement entre les Rafidites et les Sunnites. L'appelons. Qu'Allah vous accorde la bénédiction et qu'il vous protège. Cheikh Ubaid, fais passer mes salutations à tes frères. L'appelons. Oui, salam alaykoum. Cheikh Ubaid, et dis-leur que Ubaid al-Jabiri vous passe à salam et vous met en garde de s'asseoir pour cet homme. L'appelons. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum. Fin de cette fatwa. Passons maintenant à la fatwa du Cheikh Najmi rahimahullah. ما رأيكم في سماع أشرطة كل من عائض القرن وطارق السويدان؟ لا أرى ولا أفتي أحدا بالجواز سماع أشرطة عائض القرن ولا طارق السويدان. نعم. La troisième fatwa est de Cheikh Najmi rahimahullah. La question: quel est votre avis quant au fait d'écouter les cassettes de Aïd al-Qarni et de Tariq Suidan? La réponse de Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah: je ne vois pas et je n'émets pas de fatwa pour n'importe qui d'écouter les cassettes de Aïd al-Qarni ni de Tariq Suidan. Fin de la fatwa du Cheikh rahimahullah. Pour conclure, nous rappelons que beaucoup de grands savants furent interrogés nommément au sujet de cet homme, Tariq Suidan, et ils avaient mis en garde contre lui. Nous citons surtout les savants suivants: Cheikh Abdelaziz bin Baz, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahumullah, Cheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, Cheikh Abdelaziz bin Abdullah al-Rajihi, Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Cheikh Salih bin Sa'd al-Suhaymi, Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad al-Badr, شيخ عبيد الجابري، شيخ محمد بن هادي المدخلي حفظهم الله.